cours numéro 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-Sheikh Hamoud rahimahullahu ta'ala wa qad kana Sa'id ibn Jubayr wa Ibrahim al-Nakha'i wa ghayruhuma min akabir al-Salaf yahjurun al-Murji'ah wa yujanibuhum. C'est بمعنى الهجر. روى ذلك عنهم الإمام أحمد وابنه عبد الله في كتاب السنة. On est toujours dans هذا الفصل المهم, le dernier chapitre de ce livre sur هجر أهل البدع والضلال. وهنا il a rapporté عن سعيد ابن جبير رحمه الله, un des grands élèves de عبد الله ابن عباس. Il a beaucoup de aqwal fi kutub al-tafsir, il rapporte souvent anhu Sa'id ibn Jubayr wa Ibrahim al-Nakha'i wa kadhalik imam kabir min a'immat as-salaf. Il a rapporté anhum annahum hajaru al-murji'ah. Al-murji'ah, c'est un groupe égaré, ils se sont égarés fi bab al-iman. Faqalu anna al-iman la yazid wa la yanqus wa qalu anna al-a'mal, ça fait pas partie de l'iman. عندهم la foi ne monte pas, ne descend pas, et كذلك les œuvres, ça fait pas partie de l'iman. Et ce groupe, wallahi alhamd, on l'a détaillé ensemble dans notre série de cours sur les sectes. Wa naqala ghayr wahid min a'immati as-sunnah al-ijma' ala hadha, ala hajr ahl al-bid'ah. هنا الشيخ حمود va citer des exemples, wa illa fa al-ijma' qa'im ala hajr al-mubtadi' ad-dullal. L'unanimité des savants. Annahu, c'est légiférer de boycotter les innovateurs. On peut citer Mimbab al-Fa'ida, la parole de l'imam Abu Uthman al-Sabouni, rahmatullah alayhi, fi kitabihi al-Nafis, Aqidatu al-Salaf, Ashab al-Hadith, qala, wattafaqu, ay, a'immatu الإسلام أئمة السنة ils sont tous unanimes مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإدلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم انتهى اتفقوا على هذا أي le fait de s'écarter de أهل البدع de ne pas se mélanger à eux, ne pas les fréquenter. Et كذلك التقرب الى الله عز وجل اي c'est une ibada de leur faire al hajr. Ça c'est min madhhab al salaf. On doit pas le rejeter. On a déjà cité anna fi hada al bab ya deux extrêmes. بعضهم يرجت عيادا بالله. Ils rejettent et ça les a poussés hatta à rejeter hada par rapport au kuffar. Au début ils ont commencé avec on est tous des frères, on est tous des musulmans, on a tous le même livre, on a tous le même prophète. Et alayhi salatu wassalam, ils se sont égarés qalilan qalilan hatta ils disent hada maintenant fil kuffar, on est tous des êtres humains, on est tous des gada. Limadha? Li'annahum ils n'ont pas hada al-asl al-azim al-thabit 'inda ahli as-sunnah wal jama'ah, ils n'ont pas compris, ils ne mettent pas en application. Ay aimer pour Allah, détester pour Allah. Et c'est le sujet de ce livre, et c'est pour ça qu'on l'a lu ensemble. Li'annahu il est très très important. Et le fruit de cette aqidah, aimer et détester pour Allah, c'est rapprocher son frère, aimer son frère, s'entraider avec son frère musulman, et détester celui qui contredit hadith din. Le détester bil kulliya, s'il contredit complètement ce din, al-kafir, que ce soit un yahoudi, un nasrani, un majous, un rafidi, muhim, sa'ir al-milal wal-nihal, des kuffars, et si هذا المؤمن il a des manquements, enfin par rapport à son manquement. Si c'est des ma'asi, et comme taqaddam ana, il a des péchés, il n'écoute pas. Il n'écoute pas le conseil, il ne veut pas les délaisser. Et il y a une maslaha fi hajrihi, le fait de le délaisser, de le boycotter, de ne plus lui parler, s'il y a une maslaha pour lui, inshallah ta'ala, la shak que c'est mashrou'. Wa hakadha al-mubtadi'. Al-mubtadi', limadha yuhjar? Li'annahu il est akhtar. Son cas il est beaucoup plus grave qu'un fasiq, avec un musulman qui fait des péchés. Et كذلك il y a des masalih azima pour celui qui fait le hajr et pour le mubtadi' lui-même. Pour le mubtadi' lui-même, dans certains cas, il y a une maslaha azima, dans ce cas, c'est légiféré. Et pour celui qui fait le hajr, dans certains cas, il y a des masalih azima. Le fait de se mélanger, ça peut lui faire beaucoup de mal. Donc, dans son cas, si ça peut lui faire du mal, il les délaisse. Même bab al-da'wa ila akhir, il les délaisse. Ils ont des choubahs. S'il veut leur bien, il fait du'a pour eux. Et l'ulama, wallahi alhamd, yansahoun ha'oula. Hada, c'est khulasat al-qawl fi hadhihi al-mas'ala. On le répète souvent. Limadha, liyanna rubbama, on l'a déjà cité, lakin, dans d'autres durous précédents. Et al-mushkila, et hada, c'est un tanbih muhim. Al-ikhwa, ils écoutent certains durous et ils n'écoutent pas tout. Ça, c'est une mushkila azima. Il y en a certains livres pour les comprendre, il faut tout écouter, du début à la fin. Amma ba'd an-nas, ils écoutent les durous comme des muhadarat. Il a la liste des cours, khasatan si les cours ils sont numérotés, titrés, et choisit le cours qu'il veut. Matalan, il est intéressé par le cours numéro 10, sur le hajj. Il n'écoute pas avant. Thumma, il écoute le cours, et dans le cours là, chaque, on ne peut pas tout citer. Il y en a cinq livres. On a cité des règles, on a cité des vawabit, on a cité des fondements. Thumma on lit, thumma à la fin, le Cheikh Saadi, ce qu'il a cité, on a, c'est des amthila, c'est des exemples, des athar anis sahaba. Enfin, rubbama on lit. On ne peut pas tout expliquer. Bah ouais, peut-être qu'il va lire, on va dire, Fulan, il a dit. J'ai entendu dans le dars, il a dit. Anna l'imam un tel, il a dit. Et il ne fait plus le lien avec ce qu'on a dit avant. Hada, ça c'est par rapport à nos dars qu'on fait ensemble, ou d'autres dars, les dars des savants, ou d'un talib ilm ou d'un frère muhim. Là, c'est muhim. Quand il y a un livre, Akhil Karim, écoute, si tu veux profiter, écoute le cours du début à la fin. Wahdar, de ne pas prendre une partie et de penser que khalas, tu as un hukm et tu dis Fulan, il a dit. Là, c'est pas tayyib et ça cause beaucoup de problèmes chez certains. Ils ont du mal à comprendre. Comme Mil Marra, on reçoit des questions par rapport à Hada. Mais tu as dit telle chose, ou c'est quoi telle chose? Dans les doros, il y a. Lakin, ba'danas, ils n'écoutent pas ou ils écoutent une partie. Ceux qui n'écoutent pas, c'est autre chose. Ils peuvent poser une question, ils ne savent même pas qu'il y a les doros, ou ils n'écoutent pas. Enfin, ils doivent faire des efforts pour étudier l'ilm. Lakin, al-ba'd, ils écoutent, ils te disent, na'am, dans le dars. Dans le dars, tu as dit, j'ai pas compris, dans le dars, vous avez cité telle chose. Na'am, lakin, ce que tu demandes, c'est juste avant. C'est le dars d'avant. C'est lié, lakin, vu que ba'dhum ils écoutent une partie, ça, là, je sais que c'est difficile de comprendre. Fa nahnu nansah al-ikhwan, donner du temps. Écouter les durus avec le livre awwalan. Et les durus, il faut un support. Et alhamdoulillah, on vit à une époque, anna al-wasa'il tawaffarat wa tayassarat. Une simple recherche et tu trouves ce livre. Wallah, alhamd, il est propagé sur internet. Et l'insan, s'il l'a pas, il peut pas l'acheter ou il l'a pas. Fa alhamdoulillah. Tout est facilité de nos jours. Au moins, il a le support. Et il suit du début à la fin. Et il prend des notes. Et vous verrez que celui qui fait comme cela, il n'aura pas beaucoup de questions. La preuve, entre nous, il n'y a pas de questions. C'est rare, une question dans le livre. Là, c'est clair. Le shir, il a tout détaillé. C'est l'umur wadiha lillahi alhamd. Les questions, ça vient de ceux. Imma, ils n'écoutent pas. Imma, ils n'écoutent pas complètement. Ah, oulala, chaque, il y a des questions. Il y a des choses qu'on va citer dans ce dars et on ne va pas. On ne va pas citer certains quyoud, certaines choses qui spécifient telle chose, ou des remarques. Et on ne peut pas à chaque fois, ça serait trop lourd et on finira le livre madrikan. Ah là, c'est un tanbih muhim. Enfin, si vous voulez profiter quand on fait des doros, faites du début à la fin. Du début à la fin. Et on doit se fatiguer pour l'ilm. Ba'dhum, on a une époque, on a si le dors dépasse 10 cours, et si les cours ils dépassent 45 minutes, alors c'est trop long. Ils n'essayent même pas, ils mettent de côté qu'un homme, ils ne sont pas concernés. On fait des efforts au travail, ils travaillent tous les jours, des 8 heures par jour. Bardoum plus. Bardoum, ils n'ont même pas de week-end. D'où elle vient cette force? D'où elle vient? Elle vient, c'est quelque chose de moufide, il a besoin. Alhamdulillah, c'est tout à fait normal. L'ilm, on ne te dit même pas tous les jours 8 heures, si tu ne peux pas. Et beaucoup de gens, ils ne pourront pas. Là, une fois tous les deux jours, une fois par jour, 20 minutes, une demi-heure. Un dars, si tu n'arrives pas à écouter entier, coupe-le en deux. Un dars d'une heure, tu écoutes la première demi-heure. Thumma, tu fais une pause, maintenant, si c'est trop, tu continues le lendemain. Aïna le mani. Au lieu de faire le dars en 10 jours, tu le feras en 20 jours. Alhamdulillah. On doit se fatiguer à hada. On doit faire des efforts, des sacrifices. Celui qui veut apprendre. قال رحمه الله وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي سمعت أحمد رحمه الله تعالى يقول تقرب إلى الله ببغض أهل الإرجاء فإنه من أوثق الأعمال عندنا وقال الخلال الخلال من أئمة الحنابلة إلى أن يبغى السنة يغبط بكو les aqwal de l'imam Ahmed rahmatullah alayhi. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه قال لا وإذا سلم عليه لا يرد عليه. الروافض سمن أخبث خلق الله سبحانه وتعالى فيسبون الصحابة رضي الله عنهم ويطعنون في القرآن وفي جبريل وفي أئمة المسلمين. لا شك أن هؤلاء المسلم كي على الفطرة فضلا celui qui a du علم إيمان قوي أنه يبغض هؤلاء il leur passe pas le salam. قال أبو داود رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني. وقف أي في الفتنة فتنة القول بخلق القرآن. الإمام أحمد رحمه الله تعالى بتولي il a été emprisonné, fouetté. Il a patienté حتى نصره الله عز وجل. فمرة il a rencontré un homme من أهل بغداد أي بغداد en Irak. Il l'a rencontré et هذا الرجل ممن وقف أي il a pas نصر الحق à l'époque de l'Imam Ahmed. Il n'a pas dit le Coran, il est créé ou il n'est pas créé, tawakkaf. Alors que le sawab ou le haq, c'est le Coran, il n'est pas créé, c'est kalamullah. Fa l'imam Ahmed, rahimahullah, qala, ughrub, la ariyannaka taji. Ughrub, kainahu yu'ana idhhab. La ariyannaka taji, ay, je ne veux pas te voir. La ariyannaka taji ila babi. Et je ne veux pas te voir devant ma porte. Tu viens à ma porte et tu viens chez moi. Fi kalamin ghalid. Et l'imam Ahmed, il a été très très dur envers lui. Wa lam yarud alayhi salam. Enfin, il lui a pas répondu. Wa qala lah ma ahwajak an yusna' bik ma sana'a Umar bi Sabir. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi, c'était imam ahli sunnah à son époque. C'était la référence. Il était très très respecté. Et le mouqif qu'il a eu, c'est Aïn ou l'Hikma. Limada li anna al-fitna awlan, c'était fil aqida. Al-haqiqa, c'était sur le fondement de notre dîn. La base principale, al-Qur'an, kalamullah. Al-kadhaboun, al-mu'attila, ils ont essayé de dire que al-Qur'an, c'est pas la parole d'Allah. C'est une créature. La chèque anna al-mouqif, il est tassab jitten. Fa l'imam Ahmed, ceux qui n'ont pas nassar al-haq, ceux qui n'ont pas voulu montrer que le Coran c'est kalamullah, al-waqifa, ils n'ont pas voulu se prononcer, l'imam Ahmed il était très très dur envers eux. Et fait l'aqiqa c'était pour leur maslaha. Et haoulay respectait l'imam Ahmed, le hajr de l'imam Ahmed, il était très très profitable. Rahmatullah alayhi. Faqal li hadha ar-rajul ma ahwaj an yusna' bik, il lui a pas répondu le salam, et il lui a dit ma ahwaj, et tu mérites. Tu mérites ma'adha an yusma' bik ma sana'a Umar bi Sabir. Sabir, rahmatullah alayhi, c'est celui qui propageait certaines choubahs à l'époque de Umar radiyallahu anhu. Umar, quand il a été informé et il l'a rencontré, il l'a frappé. Et il l'a expulsé de l'Madina. Thumma, Sabir tab, rahmatullah alayhi. Il a fait tawbah après. Ahmed rahmatullah alayhi, l'imam, قال لهذا الرجل, tu mérites ce que Sabir il a reçu, les coups que Omar lui a donné, et tu les mérites كذلك. وقال أبو داود أيضا حدثنا حمزة ابن سعيد المروزي قال أبو بكر بن عياش من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا تجالسه ولا تكلمه. القول بخلق القرآن سيدي كفر لا شك، لأن القرآن سمن كلام الله، الكلام سين صفة parmi les صفات الله عز وجل، et les صفات الله elles sont pas créées. فcelui qui prétend que le Coran il est makhlouq, لا شك que c'est du كفر. فلهذا أبو بكر ابن عياش رحمة الله عليه قال لا تجالسه، أي ne le fréquente pas celui qui dit هذا الكلام، ولا تكلمه، أي ne lui parle pas. وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق الوراق في كتاب الورع، سألت عبد الوهاب يعني الوراق يجالس بفتح اللام، يجالس من لا يكفر الجهمية؟ قال لا يجالسون ولا يكلمون المرء على دين خليله. أي ils ont posé la question est-ce qu'on peut fréquenter ceux qui n'auront pas mécréant الجهمية. الجهمية c'est des كفار. Et تقدم معنا كلام بعض أهل العلم dans la kalima qu'on a fait sur Al-Jahmiya, sur notre cours les sectes en islam. Et Huna, il a conscience qu'on ne doit pas les fréquenter, on ne doit pas leur parler. Al-Mar'u al-Din Khalil. Ça nous montre que هذا الهجر وهذا البغض c'est par rapport au din. لأن celui qui aime din Allah, فلا شك أنه il va détester Al-Jahmiya. لماذا؟ لأنهم c'est des kuffars. انحرفوا في الأسماء في الصفات في الإيمان في كم من أبواب في باب القدر. Ils ont des كلام très très graves. الروافض celui qui aime دين الله يرحمك الله. Celui qui aime دين الله il peut pas aimer un rafidi. Comment tu vas aimer quelqu'un qui insulte Aïcha, qui insulte Abu Bakr, qui insulte Omar, qui déteste Jibril alayhi salam, qui déteste la grande majorité des compagnons, qui pense que le Coran il a été falsifié. كيف tu vas aimer هذا؟ هذا c'est لا شك في كفره. Ça nous montre que هذا الباب c'est par rapport au din. Enfin, c'est pour ça que celui qui fréquente Ha'oula, pourtant il connaît leur situation et la preuve lui a été montrée, c'est qu'il est d'accord avec eux. Al-mar'u 'ala din khalil. Ay, chacun il a le din de celui qui fréquente. قال وروى أبو نعيم في الحلية عن إسماعيل الطوسي قال قال ابن المبارك إياك أن تجلس مع الصاحب بدعة. احذر. Ça c'est une nasiha jamila de هذا الإمام عبد الله ابن المبارك من أئمة السنة الكبار. نصيحة مختصرة et جميلة. إياك أن تجلس مع صاحب بدعة. Même si tu es éprouvé et pour certaines raisons tu lui passes le salam ou tu lui réponds au salam. Dans certains cas ça peut arriver. Le fait de ne pas lui répondre, il peut avoir une maslaha azim, une mafsada azima. Ça peut être un de tes proches. Muhim, on a déjà détaillé hadi al-mas'ala. Lakin ihdhar min mujalasatihi. Fais attention de ne pas le fréquenter. Lana ba'd an-nas au nom de la maslaha, il les fréquente. Robama il mange avec eux, il les invite et ça devient des amis. Ayna al-maslaha? Il y a aucune maslaha fi hadha, abadan. Personne va t'ordonner de fréquenter, de sortir, de manger avec un tel, abadan. Si c'est un de tes proches et il est touché par ça reste un de tes proches. Ça dépend, c'est du cas par cas, il faut revenir à Ahlul Ilm. Ça dépend quel lien, si c'est ton père ou ta mère, voilà, ça reste des parents, mais qui ne t'écoutent pas leur bid'a. T'écoutes pas leur bid'a et tu leur donnes le haq. Ça n'a rien à voir avec la famille. Ben, le fait de le délaisser, il n'y a aucun mal. Ben, il n'y a que du khayr pour lui. Et ma'ahada, il les fréquente. ثم يقولون من المصلحة الرفق الحكمة توصص من الهوى. الإنسان يفعل attention. إياك أن تجلس مع الصاحب بدعة. لماذا؟ لأننا on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Si tu détestes vraiment le بدعة, tu peux pas t'asseoir avec lui. Tu peux pas. أبدا. قال رحمه الله وروى أبو نعيم أيضا عن عبد الله بن عمر السرخسي قال إن الحارث قال أكلت عند الصاحب بدعة أكله فبلغ ذلك ابن عمر أو ابن المبارك رحمه الله فقال لا كلمتك 30 يوما. Quand ابن المبارك رحمة الله عليه il a appris que الحارث il a mangé chez un innovateur فقال له هذا أنه lui a plus parlé pendant 30 jours أي تعزيرا et c'est من باب التأذيب. لماذا؟ لأن ابن المبارك رحمة الله عليه il était très très respecté à son époque. Il y avait un athar, il y avait des fruits très bénéfique pour Al-Harith. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عبدوس ابن مالك العطار أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وذكر تمام الرسالة أصول السنة ça c'est les fondements de la sunna إجماع الأئمة l'unanimité des imams de la sunna sur ses fondements. Et parmi ces fondements, tarkul bida' et tarkul khusumat wal julus ma'a ashab al-ahwa. Et ne pas fréquenter, s'asseoir avec des innovateurs. Et cette risala, walhamdulillah, on l'a étudiée avec certains frères. Aïe, au sous le sunna de l'imam Ahmed. Wa qala Abu Dawud fi sunanih bab mujanabati ahli al-ahwa. وساق في الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول. Donc l'imam Abu Dawud dans son livre Sunnah, il a un chapitre sur مجانبت أهل البدع أي هجر أهل البدع, le fait de délaisser les innovateurs. Et il a cité trois hadiths. Le premier قال الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله تعالى أولو الألباب قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا سان دليل جميل سان أصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم أي الذين يتبعون المتشابه إساس من من سمات أهل البدع من أوصافهم أنهم يدلس المحكم لفرسي كلير لأحاديث très très clair et prennent le متشابه certains versets, certains أحاديث qui ont besoin d'un autre texte pour les comprendre et eux, ils prennent ces أحاديث et في الحقيقة ils les interprètent à leur façon بل à notre époque ils prennent des أحاديث من المحكم clair et عيادا بالله ils les interprètent à leur façon. Et à notre époque, un qawm, min al-zanadiqa, il rejette les ahadith clairs et les ayats clairs. Bel yukadzibounaha. Fahaoula, qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, fahdharouhum. Ou la chèque anna al-hadhar sans ses cartes. Amma les fréquenter et manger avec eux, sortir avec eux, min ayn. Min ayn al-insan, il va prendre garde. Fahada sa asl. Et le hadith il est sahih, anil nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, annahu amarana anna hadhar min ahli al-ahwa. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والشيخان الحديث نعم إلى في الصحيحين البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن حبان وغيرهم. الحديث الثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقد رواه الإمام أحمد وتقدم ذكره. هذا الحديث تقدم معنا. الحديث الثالث طرف من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه والمخرج في الصحيحين وغيرهما في قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نعم في قصة تخلفه أي كعب الضمير يرجع كعب رضي الله عنه في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. هذا الحديث كذلك تقدم معنا في باب الهجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر كعب رضي الله عنه des deux compagnons qui étaient avec lui رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء تابوا, هؤلاء من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ils ont fait التوبة et Allah سبحانه وتعالى تاب عليهم. لكن القصة reste un دليل pour montrer أن الهجر c'est مشروع dans certains cas, le fait de boycotter c'est permis dans certains cas. وقال أبو داود باب ترك السلام باب ترك السلام على أهل الأهواء وساق في الباب حديثين. Toujours l'imam Abu Dawud dans son livre Sunnah, il a cité un autre chapitre, le fait de ne pas passer le salam aux innovateurs. Et il a cité deux hadiths. الحديث الأول حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في قصة الخلوق بالزعفران وقد تقدم ذكره مع الأحاديث في هجر أهل المعاصي. تقدم معنا هذا الحديث. Un Nabi sallam hajara. Et quand il s'est nettoyé, un Nabi sallam lui a passé le salam. Al hadith al-thani hadith Aisha رضي الله عنها في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بن جحش رضي الله عنها وتقدم أيضا مع الأحاديث في هجر أهل المعاصي وتقدم معنا أن هذا الحديث لضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر زينب quand elle a dit une parole contre Safiya et هذا الحديث لا يثبت إلى ضعيف قال والاستدلال بهذين الحديثين على ترك السلام على أهل الأهواء بحديث كعب وبحديث كعب على مجانبتهم مجانبتهم أي هجرهم أي لفد لدلس في غاية القوة والمناسبة لأن الجميع مشتركون في اسم المعصية إلا أن معصية هؤلاء المذكورين في هذه الأحاديث خفيفة بالنسبة لمعصية أهل الأهواء يا أكن كمباريزون أن هؤلاء سمنا الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء تابوا كعب بن مالك و وصاحباه رضي الله عنهم ils ont fait التوبه والله تاب عليهم بل ils ont été élevés بعد ذلك لانهم ça a montré leur صدق leur sincérité et leur modestie leur patience ففي الحقيقه cette histoire ça a été une cause pour les élever حديث عمار رضي الله عنه انه الى écouté النبي صلى الله عليه وسلم فإلى enlevé cette chose النبي صلى الله عليه وسلم lui a passé السلام حديث عائشه زينب بن جحش لا يثبت هذا عنها الحديث للضعيف أما أهل الأهواء ضلال يكمبت الحق يفون تو بور بروباجي لور بدعة يدتست أهل السنة عياذا بالله لور بوت سي با الحق سي با الخير فلهذا أكثرهم لا يتوب لا توبة لمبتدع حتى يدع بدعته هكذا قال عليه الصلاة والسلام أي لا يوفقون كما يقول أهل العلم لا plupart انهم لا يتوبون لماذا لانهم ils veulent que leur bid'a prenne le dessus عياذا بالله قال واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعبا وصاحبيه وجانبهم وامر اصحابه بهجرهم ومجانبتهم من اجل تخلفهم عن الجهاد الواجب عليهم وهجر زينب وجانبها من أجل القول الذي قالته في حق صفية نعم هذا تقدم معنا إلى ضعيف قال ولم يرد السلام على عمار من أجل الخلوق الذي كان في يديه فهجر أهل البدع قال فهجر أهل البدع ومجانبتهم مطلوبة بطريق الأولى والأحرى لأن ضررهم على الإسلام والمسلمين أعظم من ضرر أهل المعاصي والله أعلم نعم هذا لا شك فيه في الحقيقة البدعة هي المعصية البدعة هي المعصية لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدعة هي المعصية لا يحبها الله سبحانه وتعالى هي مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام فالسي البدعة أو plutôt السي المعصية c'est مشروع de faire الهجر bien sûr sous certaines conditions qu'on a citées dans les دروس précédents فلا شك أن البدعة فمن باب أولى وأحرى كما قال رحمة الله عليه نعم وهذا pour le prochain درس إن شاء الله تعالى ثم à partir de هنا il a cité beaucoup de آثار عن السلف رضي الله عنهم sur هجر أهل البدع Inch'Allah, il reste deux cours. Enfin, si dimanche on fait cours, on essaiera de terminer cette risala mardi. Bi'idhnillah, Azza wa Jalla.